Gandinera. Ya atau dan ya malu. ရဲ့ကြီးတဲ့ကိုးဆောင်တရား၄ပါးပေါ့နော်ကိုးဆောင်ဘာဝနာ၄မျိုးကြောင်းပြောမယ်။ Siaro is going to give a talk on the four protective or guardian meditations. Aujourd'hui, Sayadaw parlera des quatre méditations protectrices. Ces quatre méditations protectrices seront très utiles au yogi. Elles vont le protéger tout au long de son cheminement vipassana. Le méditant sera protégé tout au long de sa pratique. Il se sentira en sécurité et en conséquence, sa foi dans la pratique va se développer. Il y a quatre méditations protectrices. La première, c'est la remémoration des qualités du Bouddha. Le méditant devra se souvenir des qualités du Bouddha. Les qualités du Bouddha sont innombrables, mais il y en a 9 qui font l'objet de cette méditation. Lorsque vous pratiquerez donc la remémoration des qualités du Bouddha, vous allez vous remettre en mémoire l'une ou l'autre de ces 9 qualités. D'habitude, les méditants qui participent à une retraite intensive récitent ces 9 qualités tous les matins. La première de ces qualités, c'est Araham. La deuxième, Sammasambuddho. La troisième, Vijacharanasampanno. La quatrième, Sugato. La cinquième, Lokavidu. La sixième, Anuttaro Purisa, Dhammasarati. La septième, Sata Deva Manusanam. La huitième, Buddho. Et la neuvième, Bhagavan. En ce qui concerne Arahan, ce mot a 4 significations. Le Bouddha est tout à fait pur. Il est le béni, le parfaitement illuminé, qui mérite l'admiration, digne de respect, méritant les offrandes faites par les humains et les êtres célestes, c'est-à-dire les devas, les anges et les brahmas. Une deuxième signification à ce mot araham, c'est que le Bouddha est quelqu'un qui s'est libéré de toute forme d'impureté, comme le désir loba, la colère, dosa, et l'ignorance moha. Et il y est arrivé par la pratique du noble octuple sentier. Ce qui veut dire que le Bouddha ne sera plus jamais envahi ni par le désir, ni par la colère, ni par l'ignorance, ni par aucune autre impureté. Il ne fera plus jamais rien de mal, même secrètement. Le Bouddha est dit Arahan parce qu'il a détruit l'axe de la roue de la vie. Nous pouvons donc nous remettre en mémoire ces 4 significations de cette première qualité du Bouddha, Araham. Sammasambuddho, la qualité suivante, veut dire que le Bouddha est pleinement éveillé, il est béni, illuminé, il sait tout ce qui doit être su et il a acquis cette connaissance par lui-même sans l'aide d'aucun autre Bouddha. Parmi toutes ces connaissances qu'il a acquises par lui-même, il y a les quatre nobles vérités. Vijja Charana Sampanno, la qualité suivante, veut dire que le Bouddha est doté de la connaissance et de la vertu suprême. Ayant mené ses paramis, ses vertus, à leur accomplissement, le Bouddha a pu s'engager dans la méthode correcte. Cette voie correcte, c'est le noble octuple sentier qui lui a permis d'atteindre Nibbana. Une autre signification de l'expression Sugato, c'est que le Bouddha ne prononçait jamais que des paroles vraies, bénéfiques pour les autres, même si ces paroles n'étaient pas agréables à entendre. La cinquième qualité, Lokavidu, veut dire que le Bouddha connaissait tous les mondes. La qualité suivante, c'est Anuttaru Purisa Dhammasarathi. Le Bouddha était un guide incomparable, capable de mener à la délivrance ceux qui le demandaient. Le Bouddha était également le professeur, le maître des dieux et des hommes, Satta Deva Manusanam. Il était capable de mener tous les êtres à la délivrance du samsara, de la ronde des renaissances. Le Bouddha a réalisé les quatre nobles vérités, est devenu ainsi un être éveillé, et il était capable de mener les autres à l'illumination. Le Bouddha était le plus noble des êtres nobles qui avait atteint l'illumination par la pénétration des quatre nobles vérités. Il avait atteint les pouvoirs les plus élevés. Et ayant mis fin aux renaissances, il obtint les pouvoirs les plus élevés. C'est pourquoi il était le guide suprême des humains et de tous les êtres célestes, le béni, le noble. C'était donc là les neuf qualités du Bouddha. Vous pouvez en choisir une et vous pouvez la pratiquer pendant une minute, c'est suffisant. Si vous choisissez par exemple la première vertu, la vertu de Araham, vous allez vous remettre en mémoire cette qualité en essayant d'en comprendre la signification et vous le faites pendant une minute. Si vous pratiquez cette méditation sur la contemplation des qualités du Bouddha, cela va vous aider dans votre cheminement vipassana. La deuxième méditation protectrice, c'est Metta Bhavana, la méditation sur l'amour bienveillant. C'est une méditation qui implique que l'on est dans l'esprit, Metta, l'amour bienveillant, c'est rayonner des pensées positives autour de soi. L'amour bienveillant, c'est la première des quatre demeures sublimes. Cette méditation est très bonne pour développer la concentration. Il y a quatre demeures sublimes, Metta, l'amour bienveillant, Karuna, la compassion, Mudita, la joie empathique, et Upekkha, l'équanimité. Le soir, lorsque vous pratiquez Metta Bhavana, la méditation sur l'amour bienveillant, vous rayonnez des pensées positives à l'égard de tous les êtres. Vous avez un esprit positif à ce moment-là. Vous souhaitez à tous ces êtres d'être heureux, en paix, en bonne santé, libres de toute souffrance. Vous commencez par vous envoyer des pensées positives à vous-même. Vous vous focalisez sur vos propres émotions, vous vous focalisez sur vous-même et vous allez vous sentir de plus en plus calme et heureux. Vous vous envoyez ainsi des pensées bienveillantes, vous vous sentez plus calme et plus heureux et vous dirigez alors ces mêmes pensées bienveillantes vers vos professeurs, ceux qui vous sont le plus familiers et pour lesquels vous avez du respect. Vous passez ensuite à vos parents et à vos amis, vos meilleurs amis. Vous essayez de les voir mentalement et vous leur souhaitez d'être heureux. Vous essayez de les visualiser et de diriger vos pensées positives de façon très concrète, en restant en contact mental avec eux. Ensuite, vous allez passer à une personne qui vous laisse indifférent, une personne neutre, une personne que vous ne connaissez pas particulièrement, et vous essayez de lui envoyer à elle aussi des pensées bienveillantes. Et enfin, la dernière personne à laquelle vous allez envoyer votre métta, c'est une personne que vous n'aimez pas, quelqu'un qui est un ennemi pour vous. Mais ici, vous n'allez pas vous concentrer sur cette personne que vous n'aimez pas, vous n'allez pas vous focaliser sur elle et essayer de la faire apparaître dans votre esprit. Vous vous contentez de lui envoyer des pensées positives de loin. Donc, par la pratique de l'amour bienveillant, on peut s'envoyer des pensées positives à soi-même, à son entourage et également aux êtres invisibles. Et en échange, ces êtres invisibles vont vous protéger. Ces êtres invisibles qui sont autour de vous, mais que vous ne voyez pas, vont vous protéger, surtout s'ils sentent que vous leur envoyez des pensées bienveillantes. En pratiquant ainsi l'amour bienveillant, vous allez donc vous sentir plus calme, plus serein et vous pourrez mieux pratiquer la méditation. Votre confiance, votre foi dans la pratique va se renforcer et en conséquence, vous fournirez plus d'efforts. Si vous fournissez plus d'efforts, votre attention va se développer, votre concentration va devenir forte. Et si votre concentration se renforce, les connaissances vipassana vont se manifester. Nous avons vu les deux premières méditations protectrices et Sayado explique que vous pouvez les pratiquer au début de la séance de méditation et lui consacrer une minute à chacune, c'est suffisant. Sayado poursuivra son enseignement à propos des quatre méditations protectrices lors du prochain Dhamma Talk. Sayado ajoute que par la pratique des quatre méditations protectrices, vous pouvez développer vos facultés, vos cinq facultés. Si vos cinq facultés se renforcent, la sagesse va apparaître et sera de plus en plus claire. Puissiez-vous développer et pratiquer ces quatre méditations protectrices et atteindre rapidement la libération.